Nous avons toutes et tous l'intuition depuis longtemps que quand ça va pas très bien en bas, ça ne va pas très bien en haut non plus. Et réciproquement, quand le moral est dans les chaussettes, l'estomac est dans les talons. Tout cela est largement confirmé depuis une grosse quinzaine d'années, depuis l'apparition du séquençage à haut débit qui a confirmé non seulement que ce que l'on appelait la flore intestinale était composée d'autant de bactéries et de virus que nous avons de cellules dans le corps, mais que nos intestins, connectés par plus de 200 millions de neurones, étaient notre deuxième cerveau. Ce lien entre les deux organes vient d'être confirmé expérimentalement. Microbiote et cerveau, trafic d'influence, c'est le programme sans dessus dessous qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour développer ce programme et comprendre le degré d'intrication qu'il peut y avoir entre notre microbiote intestinal et notre cerveau, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-Marie Yedo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche CNRS, gènes, synapses et cognition et à l'Institut Pasteur dans l'unité perception et mémoire. Et nous sommes également en ligne avec Gabriel Perlemutter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, directeur de l'équipe de recherche INSERM Microbiome et maladies du foie et auteur de Stress, hypersensibilité, dépression et si la solution venait de nos bactéries. C'est publié chez Flammarion. Mais avant de vous retrouver, on commence par celle qui fait chaque jour le lien entre cerveau et actualité scientifique, même après un repas un peu copieux. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et nous commençons par une note publiée dans la revue Nature. Peut-être qu'une infection virale persistante est à l'origine du Covid long. Alors pour le moment, on ne comprend toujours pas l'origine de cette maladie qui se manifeste en plus de 200 symptômes différents. Alors dans cette note, plusieurs études sont évoquées et elles vont toutes dans le même sens. Il y a une persistance de fragments de virus du SARS-CoV-2 dans l'intestin. On sait par ailleurs que cet organe est ciblé par ce virus, comme tous les autres coronavirus en général, et que les symptômes gastriques font partie du tableau clinique. Alors dans une étude parue dans la revue Gastro-entérologie, les chercheurs autrichiens ont fait des endoscopies de 46 patients atteints de Covid long et ils ont observé que dans 70% des cas, les patients avaient, dans différentes régions intestinales, une persistance de fragments d'ARN viral et d'antigènes viraux plus de 7 mois après l'infection au Covid-19, ce qui serait potentiellement responsable des effets du Covid long. Nathalie Sauvonnet est directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Elle travaille sur l'homéostasie de l'intestin humain au cours des infections. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à observer, après 7 mois de virus intact, donc pour eux, le virus n'est pas comme en dormance dans l'intestin. Mais ceci dit, c'est pas tout à fait exclu parce qu'il y a d'autres études qui semblent montrer qu'il pourrait y avoir une persistance même faible de virus qui serait tout à fait intact et qui induirait finalement une activation des cellules immunitaires et du coup une inflammation persistante qui est souvent finalement ce qu'on observe dans le Covid long, c'est souvent lié à des maladies inflammatoires, en tout cas des inflammations de différents organes. Toutes ces études-là se font, on voit tout en live, donc c'est vrai que c'est compliqué, on a peu de recul encore. Donc il y a eu d'abord une négation assez, assez profonde de la communauté de cette maladie, mais je pense que maintenant on est assez d'accord tous pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui est complexe, c'est qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont associés au Covid long, et c'est bien pour ça que les médecins ont eu du mal à recenser cette partie de la maladie liée au Covid. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, il y a aussi des symptômes aussi gastriques, beaucoup de symptômes gastriques aussi, qui, enfin en tout cas dans la sphère digestive en fait, qui sont reportés, et c'est bien pour ça que c'est complexe. Et donc ça veut bien dire que cette maladie du long Covid, finalement, on est à peu près d'accord pour dire que c'est souvent lié à des inflammations du système et c'est multi-organe, comme la maladie du Covid-19 en phase aiguë est finalement. Et donc oui, pour pouvoir montrer vraiment qu'il y a une corrélation avec le Covid long, il faudrait avoir beaucoup d'études cliniques, parce que c'est ça. Ce qui peut manquer actuellement, c'est d'avoir assez de patients pour pouvoir vraiment faire une causalité entre le Covid long et, par exemple, cette persistance virale intestinale ou ailleurs, parce que la piste intestinale est effectivement favorisée dans cette étude, mais peut-être d'autres organes pourraient être aussi la cible du virus, en tout cas de parties virales persistantes. Voilà, et on va continuer à parler du lien qu'il peut y avoir entre les intestins et d'autres organes et d'autres parties du corps, puisque c'est le sujet de notre émission du jour. Et comme tous les jours, vous pouvez retrouver toutes les études dont il va être question dans le Journal des Sciences et dans l'émission sur notre fil Twitter, @laméthodefc, et puis quelques minutes après la fin de l'émission sur le site franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans Scientific Reports, les jeux vidéo pourraient avoir une influence positive sur le QI des enfants. Une équipe suédoise a analysé les données de la grande enquête américaine ABCD sur le temps d'écran des enfants avec plus de 9800 participants âgés de 9 à 10 ans. En moyenne, les enfants passent 2h30 par jour devant des vidéos, 1h à jouer aux jeux vidéo et une demi-heure sur les réseaux sociaux. Les participants ont passé un différent test de capacité cognitive, puis ont repassé ces mêmes examens 2 ans plus tard. Il se trouve que ceux qui avaient plus joué aux jeux vidéo que la norme avaient gagné 2,5 points de QI en plus par rapport à la moyenne. Alors les résultats de ce type d'études sont souvent contradictoires, mais l'originalité ici, c'est que les chercheurs ont pris en compte, pour mieux ajuster leurs résultats, les prédispositions génétiques et les milieux socio-économiques des enfants étudiés. Une étude parue dans la revue Energy and Environmental Science décrit une batterie d'un genre nouveau, une batterie alimentée par des algues. Une équipe américaine a conçu cette batterie en enfermant dans un récipient des algues bleu-vert, des cyanobactéries, pour alimenter un ordinateur. La batterie a produit suffisamment d'énergie pour faire fonctionner l'ordinateur pendant 6 mois, sans interruption de courant. Alors, lors du processus de photosynthèse, les cyanobactéries libèrent des électrons et les algues ont ainsi pu générer un courant électrique. Selon les auteurs, cette biobatterie pourrait être une alternative bon marché et plus verte que les batteries traditionnelles au lithium. Et enfin, selon une étude parue dans Scientific Reports, les chats reconnaissent les prénoms des autres chats de leur entourage. Une équipe japonaise a mené une expérience avec une dizaine de chats qui venaient soit de maisons où cohabitaient plusieurs félins, soit des barachas japonais. Les chercheurs leur ont montré des photos des autres chats et des visages de leurs propriétaires et prononcé leur nom ou un mauvais nom devant ces images. Alors lorsque ce n'était pas le bon nom annoncé, les chats passaient plus de temps à regarder l'image, comme s'ils restaient perplexes par ce décalage. Selon les auteurs, à l'instar des chiens, ces animaux peuvent donc reconnaître leur nom, mais aussi celui des membres de leur famille. Les chats ne sont pas les créatures froides et hautaines que l'on se représente. Bien rappelé à Gaston qui nous écoute d'éteindre la lumière après la fin de son écoute de l'émission dans le bureau. Merci beaucoup Natacha. S'il se reconnaît, il sait tout, cet animal est incroyable. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Allez, on passe à notre émission du jour. Il n'a pas fallu attendre la science contemporaine pour savoir instinctivement que ce qui se passe en haut affecte ce qui se passe en bas et inversement, ou en plus clair, que la santé du ventre influe sur nos humeurs et que nos humeurs, elles aussi, se répercutent sur notre digestion et notre confort intestinal. Cette intuition a été renforcée scientifiquement avec, au milieu des années 2000, l'apparition du séquençage à haut débit qui a permis de confirmer que notre flore intestinale était composée de centaines de milliers de milliards de micro-organismes rebaptisés microbiotes. Écoutez notre archive du jour. Nous sommes chez le camarade Mathieu Vidard dans La Tête au Carré sur France Inter en septembre 2013. Il y a un nouveau venu. Ça, on peut voir ça de façon un peu curieuse, c'est qu'il y a un nouveau venu dans le système, ce problème de dialogue entre les organes, qui est l'intestin, et dans l'intestin, la flore intestinale. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on ne l'avait pas identifié comme étant un des acteurs possibles, en tout cas, des dérèglements liés au poids. Alors, en fait, finalement, on peut dire que, bien sûr, il y a des équipes qui travaillent depuis longtemps sur l'intestin, mais un focus aussi grand de l'intestin comme finalement un intermédiaire entre l'environnement extérieur et notre biologie, mais finalement l'accent n'a pas été mis comme ces dernières années, finalement il a été mis au travers justement de la flore intestinale. Donc c'est une piste que vous suivez aujourd'hui? Alors c'est une piste, oui, qui s'est ouverte ces 5-6 dernières années, et notamment par le moyen d'étudier en fait cette flore intestinale. C'est-à-dire les outils ? Le développement des outils, la technologie, absolument. Et donc finalement, et là la France, on peut le dire, a été assez pionnière au travers de recherches qui sont menées par nos collaborateurs proches, en particulier à l'INRA, qui a été cette capacité d'étudier finalement la flore intestinale à partir des techniques de séquençage. Parce qu'un des problèmes, si vous voulez, c'est que quand vous voulez étudier les bactéries de la flore intestinale, ben, en fait, vous ne pouvez pas le faire puisque elle meurt en présence d'oxygène. Donc, on peut étudier à peu près un tiers seulement des bactéries de l'intestin. Et en fait, grâce à ces techniques, on peut y accéder sur l'ensemble. Voilà, notre archive du jour à cette époque. On parle encore de flore intestinale. Nous sommes en 2013. Votre réaction à cette archive, Gabriel Perlemutter ? Bah écoutez, bonjour, cette archive est toujours d'actualité de toute façon. On parle de flore, c'est plus imagé, mais les scientifiques parlent de microbiote intestinal ou de microbiome intestinal, où dans le microbiome, on inclut non seulement les bactéries, mais également les virus des bactéries, les archées. On inclut également tout ce que fabriquent les bactéries. Donc en fait, on a des techniques d'études de plus en plus puissantes qui permettent de disséquer de façon de plus en plus précise les mécanismes par lesquels tout ce qu'il y a de notre tube digestif interagit avec l'ensemble de notre organisme, en particulier le cerveau. Et ce qui pour moi est vertigineux, en fait, c'est que plus on avance dans les connaissances, plus on se rend compte que moins on en sait, et plus c'est juste merveilleux et très compliqué à la fois. Ce qui nous paraissait intéressant, Pierre-Marie Hédot, dans cette archive, c'est vraiment qu'on est exactement au moment où arrive donc ce fameux séquençage haut débit, et donc où il y a ce bond scientifique qui nous permet vraiment de découvrir l'ampleur de ce microbiote intestinal et qui ouvre véritablement la porte. Et je me souviens au tout début de la méthode scientifique, il y a quelques années, certains de vos collègues dire qu'on avait vraiment l'impression d'avoir posé un pied sur un nouveau continent. Alors bonjour à tous les auditeurs. Oui, effectivement, d'abord la grande révolution, comme le dit cette petite séquence introductive, c'est que il y avait juste une minorité d'espèces bactériennes qu'on arrivait à cultiver. Et c'est vraiment par une révolution technologique que l'on arrive aujourd'hui à une révolution sémantique, c'est-à-dire que on s'aperçoit aujourd'hui que finalement comprendre le cerveau, ce n'est plus chercher dans le cerveau, mais c'est surtout chercher les moyens qu'a le cerveau de communiquer avec les autres organes, moyen de communiquer par une action efférente. Il y a des nerfs qui vont agir sur les organes, mais cette action presque motrice est aussi une action de sensitivité. Le cerveau écoute les organes, et on voit aujourd'hui, on révise toutes les pathologies liées, qu'elles soient neurologiques ou du domaine de la santé mentale, à l'aune d'une disruption de cette communication. Et donc c'est là où vraiment on est devant une révolution qui vise à comprendre le cerveau en tant qu'organe de communication avec les autres systèmes. Et très tôt, hein, dès qu'on commence finalement effectivement à voir, et on va redétailler exactement les liens qu'il peut y avoir entre nos cerveaux et nos intestins de manière générale, on commence à voir et on parle très tôt de nos intestins comme deuxième cerveau. Plus on avance, plus on apprend, Gabriel Perlemutter, plus on se rend compte que cette expression est extrêmement légitime, et peut-être même encore plus légitime que ce que l'on imaginait au début. Alors, effectivement, le deuxième cerveau, c'est une figure de style. Tout ça, ça veut dire que c'est un nouveau concept de quelque chose de bidirectionnel. Toujours, on était sur ce qu'on appelle le brainocentrisme, où tout vient du cerveau et puis va diffuser au niveau des autres organes. Et puis, quand quelqu'un a mal au ventre, beaucoup de personnes qui viennent me voir, on leur dit « c'est dans la tête ». Or, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puisque c'est bidirectionnel, vous pouvez avoir mal au ventre parce que vous avez une hypersensibilité au niveau de votre ventre. Quand vous avez un problème au niveau de ventre, au niveau de votre intestin, au niveau de votre microbiote, ça va avoir des conséquences qui partent du ventre pour aller vers tout l'organisme, que ce soit le foie, que ce soit les nerfs, que ce soit le muscle, que ce soit le cerveau. Et donc c'est quelque chose de bi ou de multidirectionnel, avec des mécanismes différents et multiples qui font que nos bactéries, notre intestin va communiquer avec les autres organes, en particulier le cerveau. Et c'est donc, ça ne remet pas en cause tout ce qu'on savait jusqu'à maintenant, mais ça met un nouvel acteur au niveau des mécanismes. Et ce qui est très intéressant, c'est que le microbiote est quelque chose de modifiable et on espère tous pouvoir améliorer la prise en charge de nos patients en modifiant le microbiote. Mmh. On y reviendra tout à l'heure, effectivement, certainement dans la deuxième partie de l'émission, la possibilité de développer des soins, de développer de nouvelles catégories, de nouvelles classes de médicaments qui pourraient avoir des effets sur le microbiote, en ayant des effets sur le microbiote, avoir des effets sur d'autres organes et particulièrement sur le cerveau. Pierre-Marie Yédo, sur cette expression, sur cet intestin comme deuxième cerveau, on va évoquer dans quelques secondes justement une étude à laquelle vous avez participé, qui est publié tout récemment. On a longtemps trouvé des corrélations. Là, on est en train de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire finalement d'avoir vraiment des voies de causalité très claires entre les deux organes et les interactions qu'ils peuvent avoir. Est-ce que Pierre-Marie Hédo est encore avec nous? Manifestement, il nous a quittés. On va donc... Allô? Ah, ça y est, on vient de vous retrouver. Pierre-Marie Hédo, vous nous entendez? Allô? Oui. Oui, vous m'entendez? On vous entend avec manifestement magnifique. Beaucoup de décalage, mais oui, allez-y. Absolument, je vous entends très bien. Okay. Donc, ce que je voulais, rappeler que, disons que la vision que nous avons actuellement du cerveau et comme l'a dit Gabriel, elle s'érige contre cette vision cérébro-centrée qui avait été portée par Descartes. Et la grande révolution consiste à montrer que le cerveau, il fonctionne en intime relation avec le système immunitaire et qu'il faut voir ici un triptyque entre des bactéries. Alors, on parle beaucoup à l'heure actuelle dans cette émission du microbiote intestinal. Nous pourrions faire une autre émission sur les microbiote nasal et d'autres microbiotes. Et donc, il y a cette notion de bactéries qui fait que ces bactéries vont parler au système immunitaire qui lui-même va parler au cerveau et réciproquement, le cerveau parle au système immunitaire et ce système immunitaire modifiant la composition du microbiote. Donc, effectivement, on est en train de rentrer maintenant dans une science qui n'établit plus que des corrélations, mais qui peut aussi modifier parce que les partenaires sont bien identifiés, sont bien connus. On démontre aujourd'hui que le cerveau va pouvoir préparer le système immunitaire, qu'il va pouvoir voir anticiper. Il suffit de manger un plat qui nous a rendu malade et la vision de ce plat ultérieurement, va mettre en éveil un système immunitaire du système digestif de façon à anticiper une menace éventuelle. Donc on voit bien ici que ces deux systèmes fonctionnent ensemble, main dans la main. On va voir qu'effectivement ces deux systèmes fonctionnent tout à fait ensemble et qu'il y a des liens qui peuvent être trouvés entre certaines pathologies, je pense, et on l'évoquera tout à l'heure, les troubles du comportement alimentaire, la dépression et l'état de notre microbiome intestinal. On en parle tout au long de cette heure. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc des liens entre microbiote intestinal et cerveau en compagnie de Pierre-Marie Yédo et Gabriel Perlemutter. Pierre-Marie Yédo, donc, je le disais, mi-avril, une publication dans la revue Science à laquelle vous avez collaboré. Et donc, tout tourne peut-être autour d'un récepteur dont vous pouvez nous parler, qui s'appelle le récepteur NOD2. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que vous amenez? Qu'est-ce que vous montrez exactement dans cette étude de Pierre-Marie Yédo? Eh bien, on savait que ce récepteur était concerné certaines pathologies inflammatoires, la maladie de Crohn entre autres. Donc, on savait que ce récepteur avait à voir avec le système immunitaire, qu'il soit intestinal ou autre. Mais quand nous avons regardé les comorbidités, les symptômes qui pouvaient accompagner certaines formes de ces inflammations chroniques, nous avons trouvé dans la littérature qu'il y avait aussi des désordres au niveau de la santé mentale, que on pouvait trouver également des formes de dépression, des formes d'anxiété qui pouvaient être aussi concomitantes à l'apparition de ces formes de d'inflammation. Et donc nous nous sommes mis à investiguer la possibilité que ce récepteur connu pour être exprimé dans le système immunitaire et répondre à des pathogènes éventuels, nous avons donc cherché la possibilité que ce récepteur puisse aussi avoir une relation avec le système nerveux central, avec le cerveau, et nous sommes tombés sur cette grande surprise de découvrir que ce récepteur, donc qui est là pour détecter des fragments de bactéries qui pourraient être portés par le sang, et bien ce récepteur se retrouvait dans des régions du cerveau. Et nous en avons choisi une seule, mais nous pourrions recommencer ces investigations et avoir d'autres histoires. Et nous nous sommes concentrés sur l'expression de ce récepteur dans une région qui contrôle dans le cerveau notre appétit et je dirais presque toutes les fonctions vitales. Et c'est quand même une forme très surprenante de découvrir ce récepteur, donc connu pour être un système appartenant au système immunitaire, le retrouver dans le système nerveux central. Et donc la première approche possible, eh bien, c'est de se dire le récepteur est là, mais peut-être, comme souvent la nature nous l'a montré, le ligand naturel qui viendra activer ce récepteur pourrait être autre chose qu'un fragment finalement de bactéries. Après tout, la nature sait recycler les briques élémentaires de fonctionnement du vivant. Donc nous avons cherché à savoir si des fragments de bactéries venant de l'intestin pouvaient se trouver dans le sang et se trouver dans le cerveau. Et à cette question, nous avons répondu positivement en faisant ingérer des petites souris des bactéries marquées avec des traceurs radioactifs, et nous avons pu ainsi suivre la radioactivité dans le sang et la retrouver ensuite dans le cerveau. Donc à cette question, existe-t-il une communication entre le microbiote et intestinal et le cerveau, nous avons pu répondre poser cette question et nous avons pu répondre positivement. Et si on prend justement un exemple très concret, donc vous avez utilisé des souris génétiquement modifiées, dépourvues de ce récepteur, et donc quel résultat on obtient, c'est à partir du moment où on enlève le récepteur, où on imagine du coup qu'il dysfonctionne? Alors ça, c'était la deuxième approche, connaître la fonction d'un système que vous découvrez, vous supprimez la fonction pour voir les conséquences. Et comme vous venez de le dire, effectivement, nous avons utilisé des souris génétiquement modifiées. D'abord, nous avons enlevé le récepteur dans tout le cerveau, puis ensuite nous avons pu raffiner cette observation en supprimant le récepteur uniquement dans ce centre qui contrôle les fonctions vitales, la température et la faim notamment. Et lorsque nous avons retiré ce récepteur, nous avons vu les souris prendre du poids. Et la raison pour laquelle elles prennent du poids, c'est qu'elles mangent plus. Donc c'est comme si un facteur de satiété venait à disparaître, et donc l'animal mangeait plus qu'il ne fallait. Et donc ce qu'on peut inférer, c'est que chez l'être humain, alors ce qu'on peut inférer pour le moment, c'est que à partir du moment où il y a une dysfonction, une dysbiose du microbiote intestinal, c'est-à-dire que finalement par exemple on perd ces marqueurs bactériens parce que simplement ces bactéries disparaissent, ça perturbe notre sentiment de satiété, en tout cas qu'il y a un lien direct entre la composition de ce microbiote qui produit ces petits peptides là qui vont sur ces récepteurs et notre santé mentale et le lien vis-à-vis de notre appétit en règle générale. Oui, parce que il faut bien que nos éditeurs comprennent que ces fragments de bactéries qui circulent dans le sang sont en fait des marqueurs de prolifération. Et donc ce sont des signaux finalement de stop, je ne prends plus d'alimentation parce que mon microbiote atteint une complexité, une densité qui devient peut-être même dangereuse pour lui-même. Maintenant, ce qui reste à découvrir, et ça fera l'objet de travaux à venir, c'est de savoir si dans cette signalétique il y a une spécificité. Est-ce que certaines bactéries et pas d'autres sont capables de donner ce signal stop, ce qui fait qu'une dysbiose, donc un changement d'équilibre, pourrait expliquer certaines formes d'obésité par manque de ce signal stop, de satiété. Ça, c'est tout l'objet de recherches à venir. Gabriel Perlemutter, peut-être un commentaire justement sur ces travaux tout récents. Oui, déjà c'est un travail magnifique. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce sont des choses qui se surajoutent à ce qu'on connaît déjà sur l'alimentation. Il y a deux choses dans l'alimentation. Il y a l'alimentation biologique, l'alimentation vitale qui apporte de l'énergie, et il y a l'alimentation plaisir qui se surajoute à l'alimentation dont l'organisme a besoin. Ce qui est intéressant dans les études, c'est qu'on montre par quel mécanisme le cerveau et les bactéries interagissent pour réguler le processus alimentaire. Ensuite, la translation à l'homme peut se faire de deux façons, et ce sont des études à faire. Est-ce que chez les personnes qui sont en surpoids, en obésité, ce système est déficient, et ou chez l'homme qui est en surpoids, en obésité, ce sont d'autres systèmes, le système de plaisir qui est déficient, le système de récompense, et qui conduit du coup, comme ce système est déficient, à augmenter l'alimentation. Ça, c'est le problème de l'extrapolation à l'homme. Mais quoi qu'il en soit, le fait de comprendre les mécanismes par lesquels le microbiote va interagir avec le cerveau pour contrôler l'alimentation permet d'avoir de nombreux espoirs pour la prise en charge de personnes qui ont des problèmes de surpoids, parce que vous rajoutez une arme thérapeutique potentielle nouvelle. Oui, et on va revenir dans quelques minutes sur ce lien entre microbiote, cerveau et donc les troubles du comportement alimentaire, les TCA, parce que c'est effectivement l'un des débouchés des études récentes qui est tout à fait passionnant. Mais avant celui-là, et vous allez voir que finalement le sujet n'est pas très éloigné, j'aimerais qu'on parle du lien entre microbiote et dépression, puisque c'est par ailleurs le sujet de notre reportage du jour. Bonjour Alexandra Delbo. Bonjour Nicolas. Est-ce que se nourrir exclusivement, par exemple, de barres chocolatées et de soda très sucrés est bon pour le moral? Eh bien, pour le savoir, vous êtes rendu à l'Institut Pasteur. Exactement. J'ai rencontré Gérard Eberle, directeur de recherche INSERM et directeur de l'équipe Micro-environnement et Immunité. Il a donc étudié ce lien entre microbiote et dépression chez la souris. Et ses résultats montrent que le transfert d'un microbiote d'une souris dépressive vers une souris saine transfère aussi la dépression. La modification du microbiote entraînerait un déficit de lipides, dont certains sont essentiels pour la production de neurotransmetteurs, en l'occurrence les endocannabinoïdes. Et une des perspectives de ces travaux est de traiter non pas toutes, mais certaines dépressions chez des patients présentant un déficit de ces lipides particuliers. On est parti donc de l'idée que le microbiote est important pour construire le système nerveux et puis moduler notre cerveau. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ça va dans les deux sens, c'est que un individu qui est stressé, eh bien lui change son microbiote. Quelque part, c'est évident, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, on a aussi mal au ventre. Quand on a mal au ventre, les résidents du ventre, qui sont le microbiote, vont être changés aussi. Donc c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Mais ce qui est peut-être plus étonnant, c'est que les microbes eux-mêmes dans le ventre vont être capables de changer le cerveau. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des souris, on les a stressés de façon assez gentille, mais sur une période prolongée, sur 2 mois, ce qu'on appelle le stress chronique. Ça consiste en quoi, comme stress ? C'est un stress, on les réveille quand elles dorment, on bouge un peu la cage, on leur donne un jour à manger, un jour un peu moins, des choses qui ne sont pas prédictibles. Et ça, pour l'humain, c'est la même chose. Des stress qui sont prédictibles, on s'y fait. Je ne sais pas, je dois me lever tous les jours à 5 heures pour aller au travail. Au début, c'est stressant, mais après, on s'y fait. Par contre, si un jour, je me lève à 5 heures, un autre jour à 10 heures, et puis le jour d'après, je prévois de me réveiller à 10 heures, mais quelqu'un me réveille à 5 heures, c'est stressant. Donc chez les souris, c'est la même chose. Et on a vu qu'un stress chronique comme ça change le microbiote, ce qui, comme je l'ai dit avant, n'est pas forcément surprenant. Mais par contre, ce microbiote, entre guillemets, stressé, lorsqu'on le donne à une souris qui n'a jamais été stressée de sa vie, devient stressé. Alors le stress, on n'a pas vraiment mesuré le stress, on a mesuré l'anxiété et des symptômes de dépression chez la souris. Et c'est là qu'on a vu que le microbiote transfère la dépression. Alors ça, c'était quand même assez magique quelque part, que les microbes peuvent transférer un truc aussi quelque part peu palpable que la dépression et l'anxiété. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, c'est des choses qui sont évidemment forcément logiques, mais quelque part simples, c'est-à-dire que le cerveau se nourrit de plein de choses. Il se nourrit de certains lipides qu'il utilise pour faire ce qu'on appelle les endocannabinoïdes. Alors les endocannabinoïdes, c'est le cannabinoïde, le cannabis naturel qu'on a en nous, et qui est très anxiolytique, qui est calmant. On en fait beaucoup, et c'est très important pour combattre l'anxiété, c'est très important aussi pour des choses encore plus précises que ça, pour faire pousser ces cellules souches neuronales qu'on a dans le cerveau. Et donc, quand les souris sont déprimées, eh bien, elles font moins de cellules souches, et puis c'est un cercle vicieux qui se met en place dans le cerveau. Alors, le microbiote qui est stressé, lui, ne pourra plus donner les briques de construction au cerveau pour faire ces endocannabinoïdes. Et donc, les souris qui reçoivent des microbes, un microbiote intestinal stressé, eh bien, devient stressé parce qu'il ne pourra plus lui-même produire des endocannabinoïdes qui sont anxiolytiques. Et donc, ce stress lui-même, ça fait une boucle. La souris n'est plus stressée, elle va stresser d'autant plus ce microbiote qui va être d'autant moins capable à produire ce qu'il faut pour le cerveau. Et ce sera une boucle, un cercle vicieux, quoi. Est-ce que vous avez étudié certaines espèces, des espèces bactériennes qui avaient tendance à diminuer dans le microbiote qui était justement malade? Oui, on a vu que certaines espèces diminuaient. On a vu que des lactobacilles diminuent. Alors les lactobacilles, on les connaît parce que c'est les bactéries du lait. C'est des bactéries qu'on trouve dans le yogourt. Toutes les lactobacilles ont des fonctions un peu différentes. On n'a pas compris quelles étaient ces fonctions qui étaient perdues vraiment. Par contre, on a pu faire l'inverse. On a pu corriger le microbiote d'une souris stressée avec des lactobacilles qui la rendaient moins stressée, du coup. Alors, c'était une souche bien particulière qui a plein de vertus, dont faire que la souris puisse absorber la bonne nourriture pour reconstruire ces blocs pour le cerveau qui sont les endocannabinoïdes. Et l'idée pour les patients, c'est... Alors, la dépression, c'est quelque chose qui est très large. Je pense qu'il y a des centaines de raisons, des centaines de causes pour la dépression. L'idée ici, c'est qu'on pourrait avoir une proportion, une partie de gens déprimés qui souffrent exactement de ce manque, de ce produit que doivent transmettre le microbiote. Donc il suffira de regarder dans le sang des gens qui souffrent de dépression pour voir s'ils ont ce manque-là. Et on sait que ça marche chez la souris, donc de complémenter ces gens soit avec les bactéries qui peuvent leur refournir ces blocs de construction pour le cerveau, soit de donner le composé lui-même. Est-ce qu'il y a certaines limites à utiliser un modèle animal? Parce qu'on, là, on voit très loin avec ces perspectives-là, mais d'utiliser un modèle animal, voilà, de souris stressée par rapport à faire un transfert par rapport à l'humain. Oui, alors bien sûr, une souris n'est pas un humain. Une raison, c'est que on utilise dans le laboratoire une souris, un type de souris, et qui représente finalement une personne. C'est tous des frères et sœurs, en quelque sorte. Donc c'est comme si on étudiait une personne déprimée. C'est une raison pour laquelle ce qu'on fait sur des souris n'est pas forcément valable pour toutes les personnes. Donc on essaie de généraliser l'expérience pour utiliser plusieurs types de souris pour montrer que ça marche sur, en tout cas sur toutes les souris. Puis après, évidemment, le cerveau de souris, c'est pas le cerveau de l'homme. Et la dépression chez la souris, c'est pas la dépression chez l'homme. L'homme a peut-être probablement beaucoup plus de raisons d'être déprimé, enfin plus de sources de dépression. Mais ça ouvre une piste. Et les grands phénomènes finalement qui se passent chez les animaux de façon générale sont vrais pour tous les animaux. Il faut juste comprendre quels sont ces concepts généraux. Que le microbiote impacte sur le fonctionnement du cerveau, c'est un principe général. Maintenant, ce principe particulier-là, des endocannabinoïdes qui ne sont pas produits en quantité suffisante, c'est vrai chez l'homme aussi. Donc là, on est sur des choses qui existent aussi bien chez l'homme que chez la souris, et peut-être chez la grenouille, je ne sais pas. Voilà, ces liens entre notre microbiote, la dépression, le lien avec justement ces récepteurs endocannabinoïdes, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Gabriel Perlemutter. Oui, c'est passionnant quand vous vous rendez compte que les bactéries sont capables de modifier votre comportement. Il y a aussi le Gérard Ebel a parlé de la souris, mais quand vous prenez par exemple du microbiote d'un patient que vous le transférez et d'un patient déprimé, alors c'est pas la tristesse, hein, faut pas faire pour les auditeurs l'amalgame entre la tristesse, c'est normal d'être triste, et la dépression qui est quelque chose de chronique avec une baisse de l'humeur et qui dure. Mais quand on prend des selles d'une personne déprimée, qu'on la transfère à des souris, on va modifier le comportement de la souris, montrant, même si c'est multifactoriel, qu'il y a un rôle causal, pas exclusif, mais causal de nos bactéries, de notre microbiote dans les modifications du comportement. Et c'est quelque chose qui est vraiment passionnant, vertigineux, et qui, en plus des traitements classiques antidépresseurs, ouvre la voie à de nouveaux traitements qui cible l'inflammation, qui cible le microbiote pour prendre en charge les personnes qui ont un état dépressif caractérisé. Pierre-Marie Liedo. Oui, dans cette étude que nous avons réalisée avec Gérard Héberle, ce qu'il faut voir d'abord, c'est l'idée que certaines formes d'anxiété sévère ou de dépression, eh bien, peuvent être transmissibles par ce transfert de microbiote. Pour nous, ça a quand même été une surprise. Deuxièmement, que l'idée de pouvoir complémenter l'alimentation par des probiotiques. En l'occurrence ici, il s'agissait d'une disparition des lactobacilles chez l'animal stressé, et la réintroduction de lactobacilles a fait que on a eu un effet antidépresseur. Mais on est allé plus loin dans cette étude, puisque à travers de l'analyse du microbiote, on peut aussi faire l'analyse du métabolome, c'est-à-dire tous les signaux chimiques que l'on va trouver dans le sérum. Et on s'est aperçu qu'il manquait quelques signaux qu'il a fallu simplement apporter dans l'alimentation pour avoir un effet également antidépresseur. Donc, comme dit Gabriel, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a une palette maintenant d'actions possibles pour ajuster les niveaux d'humeur qui étaient jusqu'à présent vraiment inconnus. Et dans une étude très similaire que nous avons conduite en même temps, nous avions également découvert un des mécanismes possibles qui faisait que des animaux, mais on l'espère également pour l'humain, qu'on avait une compréhension sur la résistance aux antidépresseurs. Vous savez qu'il y a 30% de sujets qui, quand bien même vont recevoir différents types de traitements antidépresseurs, ne répondent pas. Et c'est toujours très embêtant de laisser personne rentrer chez elle et ne bénéficier d'aucun apport positif des antidépresseurs. Eh bien dans cette étude, où nous avions montré que, de nouveau, lorsque l'animal est stressé, un changement de sa composition faisait qu'il y allait avoir une diminution dans le sérum de tryptophane ou de 5-hydroxytryptophane. Ce sont les précurseurs de la sérotonine. Or, lorsque la sérotonine vient à manquer, nous savons que c'est un des arguments de causalité sur la dépression. Et donc l'idée que nous avons vérifiée dans ce travail, eh bien, c'était de réintroduire soit les bactéries qui venaient à disparaître, soit de complémenter l'alimentation par ces précurseurs de la sérotonine. Et dans ce cas-là, évidemment, le Prozac, la fluoxétine, allait avoir ses effets bénéfiques. Donc on est devant vraiment un changement de paradigme là où intestin, microbiote, système nerveux et cerveau travaillent en concertation. On est dans des causalités circulaires. Quand vous touchez un élément, vous allez avoir une répercussion sur les autres éléments. Et on va continuer à en discuter et voir justement comment toutes ces études qui continuent à défricher effectivement ces liens qu'il peut y avoir entre le microbiote et certaines pathologies psychologiques ou psychiatriques, mais pas uniquement, peut donner lieu, peut aboutir, pourquoi pas, à des nouvelles thérapeutiques. On en parle dans quelques secondes musicales. 4, 3, 2, 1. Arrête tes conneries, viens jouer avec moi. Arrête tes soucis, n'existe pas. Tout est dans la tête, tu le répètes. Fais-toi couper la tête, fais-toi couper la tête. Tout est dans la tête, c'est n'importe quoi. Et l'intestin, le petit doigt, tout est dans la tête, donc aux étoiles, donc aux étoiles, c'est déjà pas mal. Regarde un peu l'herbe qui pousse, le temps de le dire, elle grandit, elle pousse. J'aime être stone, stone avec toi. Le temps n'existe pas, le temps n'existe pas. Le temps n'existe que dans ta tête. Il faudrait brûler les chronomètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Arrête tes conneries, t'as pas un cancer. Trop de glycémie, mais pas un ulcère. Tout est dans la tête, tu le répètes. Fais-toi couper la tête, fais-toi couper la tête. Le temps n'existe que dans ta tête. écouter Dans la tête de Claire à 16h40 sur France Culture. C'est ce que nous essayons d'expliquer. Pas vraiment que tout est dans la tête, mais que tout est dans la tête et dans le ventre, que tout passe du ventre à la tête et réciproquement. Nous parlons du microbiote et de notre cerveau. Nous en parlons avec Pierre-Marie Yedo, qui est neurobiologiste, directeur de recherche CNRS, Gènes, Synapses et Cognition, et également directeur de recherche à l'Institut Pasteur dans l'unité Perception et Mémoire. Et Gabriel Perlemutter, qui est chef du service hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart et directeur de l'équipe de recherche INSERM Microbiome et Maladies du Foie. J'aimerais vous entendre, messieurs, sur quelque chose aussi qui a été un point d'entrée dans cette étude du microbiome, c'est le rapport au rôle anti-inflammatoire de nos microbiotes, aux uns et aux unes et aux autres. Mais quand ce lien anti-inflammatoire commence à s'estomper, quand cet effet anti-inflammatoire commence à s'estomper, eh bien on arrive dans une sorte d'inflammation à bas bruit qui a souvent également été décrite comme étant en lien avec des affections psychologiques ou psychiatriques, et notamment avec la dépression, ou quand ça peut même arriver très très tôt dans la vie du nourrisson, pourquoi pas avec des liens avec les troubles du spectre autistique, Gabriel Perlemutter. Oui, alors c'est extrêmement large ce que vous me posez comme question. C'est très vaste, mais on va défricher. Oui, c'est très très vaste. Oui, c'est très vaste ce que vous me posez comme question. En fait, effectivement, le microbiote, le microbiome, enfin les métabolites du microbiote participent au processus inflammatoire, dans le sens où quand une inflammation apparaît, de façon générale, elle va toucher l'organisme, elle va aussi toucher les bactéries vont perdre leur diversité, elles vont fabriquer ce qu'on appelle des métabolites, des petites molécules qui vont passer dans la circulation, qui vont avoir un rôle inflammatoire, pro-inflammatoire, on va perdre celles qui ont un rôle anti-inflammatoire, et quelque part, le processus d'inflammation va se généraliser. C'est ce qu'on peut même appeler la méta-inflammation, qui est en fait un jeu de mots sur une métabolique inflammation et puis méta tout l'organisme. C'est-à-dire vous allez avoir une inflammation métabolique, par exemple un diabète qui peut apparaître, une maladie du foie, et vous pouvez avoir une inflammation qui va apparaître à bas bruit au niveau du cerveau, et la dépression ou d'autres maladies du cerveau peuvent être associé à un processus local d'inflammation qui va aboutir à une modification du comportement, qui peut être par exemple une dépression, mais d'autres modifications du comportement ou d'autres maladies neurologiques au départ, comme par exemple la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, sont associées à des modifications du microbiote avec la formation de protéines, de métabolites particuliers qui vont modifier le comportement. Pierre-Marie Yedo, sur cette question, sur le lien justement entre microbiote, inflammation et certains types de pathologies, et on va revenir dans quelques instants sur les maladies neurodégénératives. Oui, vaste sujet, effectivement, comme Gabriel le disait, mais qui est en fait d'actualité et qui est extrêmement fécond. On découvre dans le concept dit inflammaging la relation entre l'inflammation à bas seuil et les processus de vieillissement. Et en fait, si nous avons un sablier dans la tête, eh bien, il y a un rapport avec l'inflammation. C'est-à-dire qu'on peut produire des inflammations chroniques à bas seuil et accélérer des processus de vieillissement. On connaît aujourd'hui certaines formes de dépression produites par des épisodes de réponse du système immunitaire qui déchargent des cytokines dans le sang et qui vont produire au niveau de l'hippocampe et d'autres régions du cerveau, eh bien, des dysfonctionnements de circuits qui seront à l'origine de troubles de l'humeur. On connaît aussi les relations entre système nerveux et système immunitaire durant le développement du cerveau. Le cerveau a besoin d'une activité appropriée du système immunitaire, et l'on sait aujourd'hui, en tout cas nous avons des modèles animaux où l'on peut induire une réponse inflammatoire chez la femelle gestante et constater à la naissance chez le nouveau-né certains dysfonctionnements qui seront à l'origine de troubles du spectre autistique, de la schizophrénie, schizophrénie, donc enfin sur des modèles animaux, cette relation entre inflammation et neurodéveloppement est bien connue. Et enfin, sur les maladies neurodégénératives, c'est effectivement un angle d'attaque actuel très riche, très fréquent. Nous travaillons actuellement pour montrer l'importance du microbiote nasal dans la possibilité de générer une inflammation du cerveau, parce que finalement, que ce soit entre l'intestin et le cerveau, nous avons dit qu'il y avait beaucoup de voies, on a parlé beaucoup de la voie sanguine, mais il y a le nerf vague, il y a le système immunitaire qui peut véhiculer de l'information. Pour la cavité nasale, c'est la même chose. Nous avons une voie possible immunitaire, le système immunitaire de première ligne de la cavité nasale peut produire des signaux inflammatoires qui vont être relayés par le cerveau, et puis... nous avons cette capacité donc de produire des signes très proches de la maladie de Parkinson, oui, chez la souris, en produisant un changement de la composition du microbiote nasal. Je crois qu'alors pour la maladie d'Alzheimer, c'est encore assez lointain, mais néanmoins, Gabriel Perlemutter, arrêtez-moi si je me trompe, mais pour la maladie de Parkinson, on commence à avoir des pistes vraiment intéressantes sur les liens et les modifications possibles du microbiote pour atténuer un certain nombre de symptômes. Alors, juste pour les auditeurs, c'est vraiment de la recherche. Oui, c'est pas du tout le traitement qu'on peut encore proposer pour les patients qui malheureusement ont une maladie de Parkinson. Mais effectivement, ce qu'on sait, par exemple, sur des études épidémiologiques, ça a été fait dans les pays scandinaves. Dans les années 1970, pour traiter les ulcères de l'estomac et du tube digestif, on coupait le nerf vague. Donc, on coupait une grande partie de la communication entre le cerveau et le tube digestif. Et on s'est rendu compte dans les études épidémiologiques que les personnes à qui on avait coupé le nerf vague faisaient moins de maladies de Parkinson statistiquement. Ce n'est pas une causalité, c'est vraiment des études épidémiologiques. Et on sait également que la maladie de Parkinson pourrait débuter dans le tube digestif, c'est-à-dire les personnes qui vont développer une maladie de Parkinson peuvent développer 1, 2, 5, voire 10 ans avant des modifications du transit et une constipation. Alors je ne dis pas que toutes les personnes constipées vont développer une maladie de Parkinson, bien évidemment, mais c'est pour vous montrer que l'implication du tube digestif dans la maladie de Parkinson, comme si certaines protéines fabriquées par le tube digestif pouvaient, par le nerf vague, se transmettre et arriver au niveau du cerveau, des protéines qui peuvent être également fabriquées par les bactéries. Ce qu'on sait également, c'est que c'est compliqué de traiter une maladie de Parkinson, les personnes ont une réponse et puis un arrêt de la réponse au traitement, et on sait par des études récentes que certaines bactéries peuvent modifier le métabolisme des médicaments qu'on prend actuellement, que prennent actuellement les personnes qui ont une maladie de Parkinson, et donc peut-être qu'en ciblant les bactéries digestives, on peut améliorer la disponibilité, l'efficacité, diminuer les effets indésirables des traitements actuels utilisés pour la maladie de Parkinson. Donc, en quelques mots, voilà où en sont les recherches. Et on voit effectivement, alors vous avez effectivement tout à fait bien fait de le préciser, on parle là de recherche en cours, et qu'on n'est pas encore arrivé au stade de la production d'une thérapeutique ou d'une pharmacopée qu'on pourrait appeler psychobiotique, Pierre-Marie Yedo. C'est-à-dire que quand on entend tout ce que l'on dit, tout ce que vous nous dites depuis le début de cette heure, on a tout de même le sentiment que agir sur la santé de notre microbiote intestinal, très en amont, de manière certainement peut-être prophylactique, c'est tout de même se prévenir et se prémunir dans le futur de la possibilité de développer certaines pathologies, même si évidemment il faut également rappeler que notamment les maladies neurogénératives sont évidemment multifactorielles, hein. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné on a un microbiote un peu fragile qu'on va forcément développer une pathologie ou une dépression ou une maladie neurodégénérative, mais on a tout de même le sentiment qu'on pourrait, en tout cas en essayant de préserver la diversité de notre microbiote intestinal, en tout cas faire des pas dans la prévention de ce type de pathologie. Qu'en dites-vous ? Oui, je dis qu'il est d'abord très important de faire comprendre à nos auditeurs que nous sommes ici sur des pistes de recherche qui nous surprennent, hein, pour nous, mais nous sommes loin encore de l'usage de prébiotiques, de probiotiques ou de postbiotiques en matière de traitement de maladies neurodégénératives ou de santé mentale. En revanche, ce que ces travaux montrent, bien, c'est que nous devons appréhender l'humain comme un holobionte, c'est-à-dire un supra-organisme qui est composé de la coexistence d'un organisme animal avec un autre microbien. Tout à l'heure, Gabriel nous rappelait que, par exemple, l'efficacité de la DOPA, eh bien, il vient d'être démontré dans une publication très récente, dépendait de la composition du microbiote. Attendez, je vous arrête. Dont vous parlez, en l'occurrence, l'efficacité de la DOPA, c'est l'un des médicaments que l'on donne aux patients pour lutter, pour diminuer les symptômes de la maladie de Parkinson. Et donc, c'est l'étude dont parlait effectivement Gabriel Perlemutter il y a quelques instants. Voilà, je voulais juste donner la précision. Prenons même plus de recul et sachons simplement que à chaque fois que l'on va ingérer un médicament par voie orale, eh bien nous allons soumettre ce médicament à l'action de ce microbiote. N'oublions pas quand même ces 100 000 milliards de bactéries et autres organismes que nous hébergeons dans notre intestin. Donc c'est l'idée de voir ici l'humain comme un supra-organisme, hein, composé de la coexistence de deux organismes, l'humain, l'animal, avec ce microbiote. Et donc il va falloir prendre en compte ce deuxième système, finalement, avec qui a son propre rythme, qui a cette façon de réagir. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il existe il a ce système, ce microbiote, il a une manière de communiquer avec le cerveau que l'on avait peu appréhendé autrefois et que l'on est en train de découvrir parce qu'on a des outils pour ça. Comme vous l'avez dit, on est sur des recherches de corrélation par l'étude d'animaux axéniques, c'est-à-dire dépourvus de germes, et on peut regarder ce qui se passe chez ces animaux. Eh bien, on avait déjà observé que ces animaux élevés sans microbiote, eh bien, ils avaient des besoins énergétiques 30 et 40 fois supérieurs, qu'ils montraient des troubles du développement de leur cerveau. Il y a eu ensuite les expériences qui ont consisté à faire des transferts du microbiote intestinal, et puis aujourd'hui on est sur l'usage des pré, des pro et des post-biotiques. Donc tout ça nous permet d'aller un peu plus loin, mais d'avancer sur finalement ce qu'on ne savait pas sur le cerveau, mais on est encore loin de la thérapie, évidemment. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, Gabriel Perlemutter, pour pouvoir développer ces médicaments qu'on appelle pour le moment psychobiotiques, c'est-à-dire qui seraient vraiment de la thérapie d'accompagnement, de soulagement, de traitement de symptômes, de rétablissement finalement de l'équilibre de cette holobionte dont parlait Pierre-Marie Yédo? Vous me demandez d'être prophète, c'est compliqué. Non, de nous donner les pistes de recherche. La prophétie et les méthodes scientifiques en général, ça fait rarement bon ménage. Mais... ouais, enfin, ça permet de réfléchir. En fait, il manque quoi? Il manque des connaissances, il manque du temps, parce que l'échelle de temps de la science qui avance sur des souris n'est pas les mêmes que l'échelle de temps pour un patient qui est malade et qui a besoin d'être rapidement soulagé. Donc, il faut du temps, il faut des connaissances pour qu'on puisse avoir des molécules, des métabolites des bactéries ou des bactéries elles-mêmes, ou de l'alimentation de nos bactéries qui vont avoir ou pas, on espère que ça va avoir une efficacité. Donc je dirais qu'il manque du temps, il manque des connaissances. Et malheureusement, et on ne l'est pas quand on est médecin et encore moins quand on est malade, il manque beaucoup de temps. Mais vous pensez qu'il est possible, qu'il est envisageable, alors là je vous demande peut-être un peu de projection ou d'anticipation, si ce n'est de la prophétie, qu'on arrive à produire ce type de nouvelle thérapeutique qui changerait quand même beaucoup avec l'ancienne pharmacopée qui avait plutôt tendance à complètement réduire et à bousiller le microbiote intestinal, et je pense évidemment à l'excès d'antibiotiques, et de se dire qu'on pourrait se mettre à soigner bien justement en équilibrant le microbiote intestinal? Je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Je pense que ce n'est pas à la place des traitements actuels. Ils ne fusillent pas le microbiote. Les traitements soignent. Donc, si vous regardez juste le microbiote, où ils vont agir, je ne sais pas s'ils le fusillent, mais ils vont agir. Fort heureusement, quand on arrête un antibiotique, il y a une résilience. Le microbiote, il va retrouver son état initial. Donc, je dirais que ça va être une arme supplémentaire pour améliorer la prise en charge des patients. Ça va pas être une arme à la place. Je ne sais pas si ça va être des bactéries, je ne sais pas si ça va être ce que produisent les bactéries, je ne sais pas si ça va être une greffe de sel. Moi, j'y crois pas trop, mais c'est moi, ça veut pas dire que j'ai raison. Mais je pense qu'il va y avoir de nouvelles armes, de nouveaux traitements avec, en ciblant le microbiote pour pouvoir améliorer la prise en charge de certaines maladies. Pour nos auditeurs, je voudrais agir sur la prévention. Le mieux pour avoir un bon microbiote pour le prévenir, c'est avoir la meilleure alimentation. Comme l'a dit Pierre-Marie, on est un holobionte, on a des bactéries en nous, il faut en prendre soin. Et pour en prendre soin, la meilleure méthode, c'est d'avoir une bonne alimentation. Une bonne alimentation, c'est quoi ? Une bonne alimentation, je dirais que c'est manger tout ce qui est vert, pour être très simple, éviter tout ce qui est trop sucré. Et le sucre, c'est pas juste le petit morceau de sucre du café, c'est tous les féculents. On est abreuvé de féculents, pain, pâte, riz, pommes de terre, jus de fruits, compotes, qui n'ont aucun intérêt nutritionnel puisqu'on enlève toutes les fibres quand on fait ça. Donc en fait, c'est ce qui va nous permettre d'être en bonne santé, c'est ce qui va permettre à nos bactéries d'être en bonne santé. C'est donc c'est tous les aliments verts et qui sont riches en fibres, pour être simple. Pierre-Marie Hédot, pour conclure justement à la fois sur la possibilité de développer donc cette nouvelle thérapeutique complémentaire et qui ne remplacerait évidemment pas l'ancienne, et puis plus généralement pour anticiper et bien traiter et maintenir notre microbiote le plus divers possible. Oui, alors il est clair, comme Gabriel le rappelait, que l'alimentation est le facteur numéro un pour maintenir une diversité la plus grande possible. On s'aperçoit également que la sédentarité est un autre facteur aggravant qui contribuera à diminuer la richesse de cette diversité. Donc l'activité physique fait partie de ces facteurs enrichissant notre microbiote. Mais comment est-ce que l'activité physique enrichit le microbiote intestinal ? Alors, je ne connais pas exactement les détails. Il a été montré qu'il y avait des facteurs trophiques produits par les muscles en action, que ces facteurs trophiques allaient agir sur le système immunitaire. Et n'oublions pas que, finalement, la composition d'un microbiote reflétera l'état d'activation du système immunitaire. Donc, agir sur la diversité du microbiote, ça se fait par voie alimentaire, puisqu'on va permettre à certaines bactéries de proliférer au détriment d'autres. Tout le monde ne mange pas la même chose. Et d'autre part, c'est aussi donner des signaux au système immunitaire. L'activité physique en fait partie. Le bien-être, puisque parmi les résultats assez extraordinaires des dernières années, c'est de montrer par exemple que le système de la récompense du cerveau, eh bien, est en relation directe avec l'état d'activité de notre système immunitaire. En gros, rire, se trouver bien quelques minutes par jour fait du bien aussi à notre système immunitaire. Voilà, donc on a plusieurs façons de pouvoir agir sur la diversité de notre microbiote. Eh bien, merci à tous les deux. Merci d'être venus nous parler de ces liens entre notre microbiote et notre système immunitaire et, in fine, notre cerveau. Merci Pierre-Marie Hédot. Merci Gabriel Perlemutter. Je rappelle que si vous voulez plus de détails, on peut vous lire dans Stress, Hypersensibilité, Dépression. Et si la solution venait de nos bactéries, c'est aux éditions Flammarion. La méthode scientifique, c'est Alexandra Delbonne, Natacha Triou, Céline Lozen, Evetiana Mel Boucherka, Antoine Beauchamp, avec Adrien Roch aujourd'hui à la réalisation, et Jean-Guilain Magel à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur le tout nouveau et tout beau site franceculture.fr, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.